L'âme du carillon, par Léon Lafage. Un peu crombi, comme on dit dans ce vieux patois du Nord, tout mêlé encore du français de Froissart et de Comines, le père Misseron fumait sa borène sous la cheminée à haute, à la rouge lueur des crassets. Osseux, le visage immobile et long tel un saint de pierre, il ouvrait des yeux très pâles dont le regard semblait s'être retiré. Pareillement, son oreille se faisait dure. La vie ne lui arrivait plus qu'atténuée, assourdie, comme le reflet du jour sur les cannes de cuivre à travers la toile peinte des rideaux. Courbé sur soi, il restait dans sa vieillesse comme un hibou au creux d'un arbre, recontant ses souvenirs ainsi que des pièces d'or. On le laissait près du feu se ramantever et s'éteindre. Les jeunes faisaient valoir la cense parmi les blés, les tabacs, les houblonnières, les champs de lin, d'œillettes et de colza. On lui donnait cependant les soins que l'on doit aux vieillards, et il ne se buvait bière ou hydromel que sa petite fille, un joli blanc bonnet de 15 ans aux cheveux roux et crôlés, ne lui présenta le gobelet ou la pinte. On savait qu'autrefois, farou et bien attifé, il avait tenu le carillon de la paroisse. Le village qui gardait encore des maisons de bois aux poutres sculptées, des toits en auvent pareils à des coiffes de béguines, tirait orgueil d'une église ancienne qui avait abrité jadis la cloche communale. Une grande tour carrée coiffée d'une flèche octogonale, qu'étayaient des clochetons ciselés, prenait l'azur ou gardait la nue avec ses arcatures, ses épis et ses contreforts. De là, naguère, partaient en volée, comme des poignées de bon grain au sillon des âmes, les cantiques patronaux et les vieux airs du Cambrésis, des pays de Hainaut et de Flandre. C'était le père Misseron qui, tour à tour, tirant la corde, maniant la maillotche ou buquant de grands coups sur les touches de frêne, répandait sur la terre la louange du ciel. Il disait en outre le point du jour et le couvre-feu, les fiettes et les ducasses, saluait au loin les violons de mariage crinchonnant de tout leur cœur, accueillait les archers communaux avec leurs bannières, leurs rois et leurs connétables rentrant de quelque grand concours où ils avaient jeté juste le coq de bois. Ces cloches connaissaient toute l'histoire de la paroisse. Elles envoyaient au chant leurs bénédictions sonores, elles s'égayaient, blasonnaient, savaient pour les mariages tardifs de petits couplets qui font les cornes. Il y avait des jours purs, de clairs matins de fêtes vibrants et bleus comme un cristal, où il semblait que tout l'azur chantât avec ce petit carillon de village. C'est que d'autres carillons tintaient à la même heure, depuis ceux d'Avesnes, de Béthune, Douai, Saint-Amand, Armentières, jusqu'au doux et gris pays des dunes, jusqu'au beffroi d'Arras, qui portait dans le ciel la fierté d'Artois, jusqu'à ceux de Bruges et de Malines, d'Ypres, Audenarde, Tournai, jusqu'aux 40 cloches de la cathédrale d'Anvers, aux 42 d'Utrecht, aux 44 de Gand. Depuis que le vieux Misseron était descendu de sa tour, les cloches du village avaient perdu leur âme. L'escalier en colimaçon, l'échelle de bois, avaient oublié le traînement familier de ses pas. Le vent bleu ou gris, couleur du temps qui apportait de loin l'odeur de la saison, montait en vain dans la cage muette. Les corneilles nichaient dans la forêt du beffroi, et seule la sonnerie des offices éparpillait autour des abat-sons leurs notes noires. Les chœurs de la paroisse ne savaient plus se suspendre au concert aérien, prier ou rire avec les bâtons de fer. Les usines, les fonderies, les filatures attiraient les jeunes gens. Ils se riaient des coutumes, des chevaliers de l'arc et des maîtres sonneurs. Parfois, si le soleil visitait la cense, le vieux s'arrachait avec un craquement d'écorce à l'accueillir du foyer et venait sur le seuil goûter l'air. Surtout, il regardait l'église, sa flèche de plomb, la cage de pierre, où, pendue aux poutres comme de belles mortes, ses cloches demeuraient sans essor et sans voix. Un soir, son fils, un baluchon à la main, vint l'embrasser. Le lendemain, ce fut le gendre. Les femmes pleuraient. On criait « Ah, les bandits !» Les hommes partaient laissant sur pied la moisson. Une inquiétude résolue montait du vieux sol, comme aux jours anciens, où les compagnons du serment, les archers, s'armaient pour faire la traque aux Halbrins, hurlus et faucheurs des blés verts. « Qu'est-ce donc ?» avait demandé le vieux. « C'est la guerre !» Alors il avait tourmenté son bateau en dragonne. Il était allé devant la porte pour saluer les gars qui partaient. Que ne pouvait-il, puisque les jours de Palestro étaient passés, monter au moins comme la guerre à l'échelle du carillon ? Il aurait accompagné des vieux airs du pays cette jeune vaillance. La Flandre, en ces heures où l'on entend la voix des anciens et des morts, eut marché avec ses soldats, et les cloches eussent sonné, guerrières, et cette fois, mais pour la victoire, comme les masses d'armes, sur les cuirasses de Rosbecque. On ne lui dit plus rien. Il voyait des yeux rougis, entendait des mots de colère. Un jour qu'il était seul, les vitres se mirent à vibrer finement d'abord, comme lorsqu'une guêpe pinasie. Chose singulière, il perçut ce bruit grêle. Ensuite, ce fut un tremblement plus fort, par coups, puis un roulement par rafale, et la maison sursauta. « Oh ! » dit Misseron, « ils viennent !» Il écouta. Est-ce que les beffrois ne sonnaient pas l'alarme ? Hélas, les clochers, les beffrois, les chapes de plomb et les pierres fleuronnées, toute la beauté doucenante des Flandres flamingantes et wallonnes, des pays de Hainaut et d'Artois, se taisait à jamais sous la voie de fer des mortiers. Chaque jour, un village mourait, une grande ville avec ses flèches et ses tours, son histoire et sa fierté écrites dans la pierre. Chaque jour, des gens passaient sur la route, poussant marmailles et bétail, traînant des vieillards et des carrioles, se retournant vers l'horizon rouge et fumeux qui grondait. Un soir, ce fut de l'affolement dans la Sens. Les femmes, au milieu de la cour, tiraient la charrette, attelaient le vieux cheval négligé par la réquisition. Les enfants transportaient des objets, vidaient les armoires. « Tenez-vous prêt à partir, grand-père ? » lui cria sa petite fille. « Partir, et pourquoi donc je quitterai de chez nous ? Les Prussiens arrivent. Ben, je les attendrai. » Et l'on eut beau prier, pleurer, crier, rien n'y fit. Quand elle emmenait de force, des femmes et des enfants n'y pouvaient pas songer. Misseron, malgré ses tremblements, avait la main dure et les muscles tenaces. Comme autour de la Sens, l'épouvante ruait des villages entiers, le flot emporta les Misserons avec leur harde et leur vieux cheval. Et c'était une rumeur forcenée sur les chemins et dans les champs. Parfois, des cris plus forts parmi la fuite. Cela courait comme une grande ride sur des eaux. Là-bas, à la source de ce débordement, des hulans fouillaient les traînards. Alors, le père Misseron, dans un rude effort, quitta le rabatiot de la cheminée, prit dans le buffet la bouteille de genièvre et emplit sa tasse en faïence bleue. La liqueur râpeuse et chaude l'anima comme un jeune sang. Il siffla du gosier, but encore, alluma sa borène, bourrée de gros tabac belge, et sans peser sur sa canne, sortit de sa maison. Ses genoux jouaient mieux à présent, et il put, à travers les heurts et les bousculades, atteindre l'église. Comme autrefois, il prit l'eau bénite, poussa la petite porte ogivale aux pentures tréflées, et ramassant ses vieilles forces, cédant du bâton et du mur, monta les degrés de pierre, gravit, le cœur battant, chaque échelon franchi étant une victoire, la petite échelle de bois, et se trouva dans la cage du carillon. Toutes ces cloches étaient bien là, les grosses et les fines, souillées par les corneilles ou les bavures du vert-de-gris, mais belles encore, frottées de soleil, timbrées d'armoiries et d'une devise latine. Il les reconnaissait. À celles qui tintaient clair jadis aux voix d'ange, il avait donné des noms de demoiselles. Cependant, les fils de fer qui reliaient le clavier de bois au bâton forgé étaient rugueux de rouille. 5 poutres en cœur de chêne, portant chacun une gamme, en haut l'octave aiguë, les basses au dernier rang, s'étageaient, muettes, rigides et dures et toutefois sonores confusément lorsque le vent, à travers les lames des abassons, effleurait leurs lèvres de bronze. Le père Misseron prit place sur le siège construit en biais comme une sellette de tisserand, et rudement, tandis que gémissaient les charnières et les ais, le clavier sous ses poings, le pédalier sous ses lourdes semelles, il donna, comme au beau jour, la tonique et la quinte. Tout le beffroi frémit dans cette onde sonore, et la vie des pierres s'éveilla. À son tour, Misseron se sentit enveloppé d'harmonie et de force. Il se retrouvait. Tandis que dans la plaine s'écoulait le flot des fugitifs, que des bourgs à l'horizon s'allumaient sous les obus et les grenades, il était là, en plein ciel, dans la tour qui avait décelé jadis l'approche de l'oriflamme de Saint-Denis et des bannières brabançonnes, des enseignes espagnoles et des drapeaux fleurdelysés des cosaques et des habits bleus, et puisque tout, de la vie et des choses, s'en allait en fumée et en sang, il voulait, une dernière fois, faire chanter au-dessus des hordes et des ruines, venues du fond des âges, chaudes éternellement des bouches qui l'ont transmise, vibrantes des carillons qui l'ont sanctifiée, la douce et mâle cadence du village. Cette foule, là-bas, roulait pêle-mêle flamands, wallons, gens de Hainaut. C'est pourquoi il commença par jouer la chanson du Doudou, chère aux habitants de Mons, celle de Gaillan, que sonnent les cloches de Douai, les cantiques de saints et de patrons particuliers à chaque commune, les refrains corporatifs, airs de religion et de liberté, vieux comme les beffrois, les milices et les franchises. Chose merveilleuse, la plaine affolée sous ses chants s'apaisait par degrés. Ouillant l'hymne de leur cité, les Belges s'arrêtaient, puis les Flamands de France, les mineurs du Hainaut, les Sansterres du Cambrésis, Chaque paroisse, à l'appel de son refrain communal, faisait halte, faisait front, tels les soldats quand on sonne au drapeau. 2000 fuyards, tête levée, se pressaient autour de l'église, et le père Misseron, buquet de rue, emporté par le branle des cloches, sonnait lui-même de toute sa colère et de tous ses souvenirs. Au loin, l'ennemi ne comprenait plus. Les jumelles prussiennes scrutaient le crépuscule, se braquaient obstinément sur cette masse fourmillante et noire, serrée au pied de la tour comme des naufragés au pied d'un mât. « Franc-tireur !» décida un officier. Un obus fit gémir l'air et décoiffa la vieille église. Avant d'écraser des enfants et des mères, la flèche de plomb écorna en tombeau des clochetons, décapita des gargouilles. Le vieux Misseron cognait de plus belle. Il disait le chant du pays. Le chant sacré des maisons et des glèbes, des berceaux et des tombes, la protestation de tout ce qui vit, travaille, croit, rêve de liberté pacifique, de justice et de noble labeur. Un nouvel obus, dans un tintement aigu, ébrécha, fêla les fines clochettes. Le carillonneur réduisit son jeu. Bientôt, la deuxième portée sauta. La poutre retomba avec son harnais sonore, les combles crépitèrent, tandis qu'une fumée jaune et noire enveloppait les chevrons. Misseron, parmi les éclats de bronze et d'acier, aveuglé de sang, fou, sautait encore sur les pédales, toquait sur les chevilles de bois, recommençait le pauvre vieillard de la commune, tronqué, mutilé, plein de trous, de blessures, et qui s'achevait en tonnerre. Misseron se battait. Sa chanson défiait et frappait le barbare. Les jeunes défendaient le sol, ce vieillard défendait le rêve. Enfin, une effroyable explosion fulgura, éclata, carillonna. La tour de l'église chancela, craqua comme un arbre et s'abattit dans l'hurlement de la foule en déroute. Cependant, le soir était venu. Au-dessus de la ruine et de la fumée, de l'épouvante et de la mort, une lune d'argent neuve, pure et fidèle, au milieu du ciel bleu de lin, brillait comme une cloche mystique. C'était l'âme du carillon, par Léon Lafage.